Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire « Grandeur et misère de l'absinthe ». Pour moi, en tout cas en tant qu'enfant à la maison, je savais que tout le village en avait, mais que personne ne savait d'où elle venait. Et puis souvent, là où on pouvait la trouver le plus facilement la meilleure, c'était en posant la question aux policiers du village, parce qu'en général, ils savaient où était la meilleure. Un citoyen du Val de Travers en Suisse qui se rappelle à quel point, quand il était gamin, l'absinthe coulait à flot. Il y en avait vraiment partout, alors qu'elle était pourtant interdite par la loi. Il faut dire que le Val de Travers va compter jusqu'à 80 distilleries clandestines au plus fort de la prohibition de l'absinthe. Adorée par les peintres et les poètes du 19e siècle, la fée verte, comme on l'appelait à l'époque, sera bientôt associée au ravage de l'alcoolisme qui secoue la France de la fin du 19e siècle, ce qui va conduire à son interdiction totale au début du 20e siècle. On communie avec les immortels de la création en buvant de l'absinthe. C'est comme boire de l'art dans un verre. Le grand rituel de l'absinthe, c'est de le boire avec la fameuse cuillère à absinthe sur laquelle nous allons déposer un petit morceau de sucre. Donc ensuite, nous versons délicatement l'eau sur le sucre par à coup. Le sucre va fondre. Voilà, et en passant à travers les orifices de la cuillère, se diluer dans le verre où se retrouve l'absinthe. Une des expressions favorites des grands poètes du 19e siècle était qu'il fallait étonner son absinthe. Extrait de l'émission Indicatif présent en mai 2001, au moment où l'absinthe revenait à la mode en Europe et en Amérique du Nord. Pour nous raconter les hauts et les bas de cette fascinante histoire de l'absinthe, je reçois l'historienne Catherine Ferland. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Ça donne déjà soif ce qu'on vient d'entendre. avant, on reviendra évidemment sur l'histoire et vraiment sur les hauts et les bas de l'alcool, de l'absinthe comme alcool. Mais d'abord et avant tout, on l'oublie parfois, l'absinthe c'est une plante. Oui. Plante qui existe depuis très longtemps, à laquelle oui, on prête toutes sortes de vertus médicinales. C'est une plante qui remonte à la plus haute antiquité, en fait. Pour ce qu'on en sait, c'est plusieurs milliers d'années et plusieurs milliers d'années d'utilisation également. Assez rapidement, les anciens se sont rendus compte que cette plante-là, qui est quand même assez, on pourrait dire, tenace, parce qu'elle peut pousser à des hauteurs assez impressionnantes, en altitude, dans des zones très arides. Hein. Donc, une plante qui pousse facilement dans le nord de l'Europe. D'ailleurs, c'est pas anodin là, le fait que ça va être surtout dans le Val de Travers et dans les hauts plateaux de la Suisse et de la France qu'on va la trouver. Donc oui, cette plante-là va être connue depuis très longtemps. Il y a même des papyrus égyptiens qui mentionnent, oui, tout à fait, l'utilisation de cette plante-là. D'ailleurs, la grande absinthe, comme on l'appelle, c'est une variété d'armoise. Elle va prendre son nom, absinthe, de plante amère. Ça veut dire en grec, privée de douceur, impossible à boire. Donc d'ailleurs, le mot abstinence aussi a la même racine. C'est assez particulier. On associait l'amertume de l'absinthe à l'efficacité de la médecine qu'elle pouvait servir à produire. Ouais. Donc, vraiment un usage très médicinal au départ. Puis, assez rapidement, on va prendre l'habitude d'en ajouter, par exemple, dans certaines cervoises pour aromatiser. Pendant très longtemps, on n'avait pas nécessairement de houblon. On mettait plutôt de la sauge ou d'autres plantes amérisantes. Ouais. Mais l'absinthe faisait partie de ces plantes-là qu'on pouvait ajouter à la cervoise. Et puis, graduellement, donc, elle ne se retrouvera plus que dans la cervoise, dans la bière, mais on va aussi en faire carrément un alcool. Comment se fait le passage? Quand est-ce qu'on... Et comment ça se fait ce passage de la plante à la plante qui devient alcool, qui fait partie de l'alcool, en tout cas? Qui fait partie de l'alcool. En fait, ben, très rapidement, on se rend compte que c'est une plante qu'on peut laisser macérer dans divers excipients, donc que ça soit dans un bouillon ou dans un alcool déjà fait, mais avec le perfectionnement des alambics qui va survenir à peu près au 16e siècle. Donc, le moment où toutes les eaux de vie vont finalement devenir des produits commerciaux, des produits utilisables d'un point de vue alimentaire également. On va se détacher un peu de l'aspect médicinal. Mm-hmm. Et c'est là qu'on va se mettre à faire des alcools tirés de l'absinthe, des élixirs tirés de l'absinthe. On va vraiment laisser macérer très longtemps, puis distiller ce produit et souvent refaire macérer encore de l'absinthe dans l'eau de vie qu'on a obtenue. Donc, cette transition-là se fait entre le 16e et le 18e siècle. C'est le moment où on va voir apparaître l'absinthe telle qu'on la connaît comme boisson cette fois-là. Avec ses plus grandes heures au 19e siècle. Absolument. Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. L'un s'appelait Verlaine, l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Toi, tu n'es pas Verlaine, toi, tu n'es pas Rimbaud. Et quand tu dis je t'aime, oh mon Dieu que c'est beau, bien plus beau qu'un poème de Verlaine ou Rimbaud. Barbara qui chante l'absinthe au début des années 70, ça nous amène, Catherine Ferland, à parler de cet âge d'or de l'absinthe, le 19e siècle, cet engouement par les poètes, par les peintres. Ils boivent de l'absinthe, ils peignent des scènes où on boit de l'absinthe. Et il y aura tout un mythe, au fond, autour de cet âge d'or de l'absinthe. Comment se construit ce mythe-là? Pourquoi l'absinthe devient si prisée? En fait, c'est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, quand on dit « pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau oui. », c'est que l'absinthe, assez rapidement, va être considérée comme la muse des poètes, la muse des écrivains, la muse de tout ce grand mouvement culturel et artistique qu'on va voir poindre au 19e siècle. Une substance qui aide à la création, au fond. Oui, qui stimule la créativité, dont les effets un peu sédatifs, un peu euphorisants également, vont être recherchés parce que on dit qu'on peut atteindre le génie par l'absinthe. Donc, c'est pas rien. Hein. C'est pour ça qu'on va la trouver dans tellement de toiles de grands maîtres. Toulouse-Lautrec, Modigliani, Picasso, Van Gogh vont la représenter, vont la montrer, vont même la célébrer. Hein. Ouais. C'est vraiment une célébration de l'absinthe qui est faite. Et c'est particulier, dans toutes ces toiles-là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que quand on représente des scènes de buveurs, normalement, c'est toujours des scènes sociales. On voit des gens ensemble. Le buveur d'absinthe, la buveuse d'absinthe est essentiellement seule. L'absinthe est une boisson d'intérieur, une boisson pour vraiment aller chercher ce noyau créatif, cette contemplation-là de l'existence. C'est ce qui fait qu'elle va se distinguer de tous les autres alcools qui sont disponibles oui. et va vraiment avoir un statut extrêmement particulier. Vous disiez, on la considère comme une muse. On l'appellera même la fée verte. Pourquoi? Oui. Pourquoi la fée verte? Justement parce qu'elle sait amener ses états. On considère qu'il y a un petit côté magique oui. qui est finalement lié à des substances qu'on trouve dedans. Il y a en fait, deux substances qu'on va trouver dans l'absinthe qui sont très, très particulières d'un point de vue chimique et qu'on retrouve dans très peu de substances. Il y a tout d'abord la thuyone. Mm-hmm. La thuyone, c'est une molécule qu'on va retrouver dans certaines plantes de la même famille que la grande armoise. On va la retrouver également dans le thuya, notre bon vieux cèdre. Là. Donc, ça ne veut pas dire d'essayer de se faire une décoction avec votre haie en fin de semaine, Jacques, mais disons que c'est une substance un peu résineuse. C'est ce qui va donner le goût, d'ailleurs, très particulier qu'on va retrouver dans l'absinthe. Il y a également une autre substance, c'est l'absinthine. Donc, on va même en retrouver dans des produits dans le commerce, les Vicks Vaporub, par exemple. Donc, c'est encore là quelque chose qui ouvre un petit peu les voies. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait le parallèle entre cette idée qu'on a que l'absinthe élève l'esprit de celui ou de celle qui la consomme. Comme on disait, on l'appelle la fée verte. Ouais. Et cet effet peut-être d'oxygénation des voies quand on la consomme. Donc, il y a un rapprochement tout à fait intéressant entre l'effet supposé et l'effet avéré qu'elle va donner. Et la thuyone, on va y revenir plus tard parce que quand l'absinthe sera interdite, ce sera beaucoup parce que c'est très, très fort en alcool. On parle de quoi? 70 degrés à peu près, 70% d'alcool. Oui. Et la thuyone, c'est ça qu'on va... Et quand elle fera son grand retour, l'absinthe, c'est parce qu'on aura établi des quantités moindres de thuyone dans ces nouveaux alcools qu'on peut boire aujourd'hui qui se rapprochent de l'absinthe. Revenons quand même à cette célébration de l'absinthe par tous ces artistes. Les bourgeois, aussi les militaires, vont boire oui. de l'absinthe au 19e siècle. Il y a, quand on boit de l'absinthe, une manière de boire l'absinthe, le rituel de l'absinthe, on l'évoquait au tout début de l'émission. Qu'est-ce que c'est ce rituel? Et Dans quelle mesure ça va être important, Catherine Ferland, dans la popularité de l'absinthe? Je dirais que le rituel fait un peu l'aura autour de l'absinthe. Dans la mesure où, avec on a le petit verre, on a la cuillère percée, qui va souvent être un très bel objet. Hein. Si vous avez déjà vu des collections du 19e siècle de ces cuillères, c'est fabuleux, là. C'est des objets d'art. Ouais. Et donc, il y a un aspect de... On dépose un petit morceau de sucre sur cette cuillère. Et ensuite, on fait couler de l'eau qui est souvent dans une petite fontaine qui est réservée à cet usage-là. Il y a toute une, on pourrait dire, une vaisselle associée à la consommation d'absinthe qui est très particulière, qui va se distinguer beaucoup aussi des autres rituels de consommation. Et je dirais que ça va donner une valeur ajoutée à la consommation de l'absinthe. On vient valoriser le rituel, on vient valoriser la consommation de cette boisson-là en ayant tout cet apparat qui est très précieux, qui est très... Ça fait de l'absinthe un alcool spécial. Spécial, raffiné. On ne boit pas une bière au goulot de la bouteille, là. Non, exactement. Puis, elle va assez rapidement avoir même son heure. On appelle l'heure verte le moment entre 5 et 7 heures le soir où les gens vont tout simplement quitter le travail ou quitter ce qu'ils étaient en train de faire et aller boire l'absinthe. Donc, il y a vraiment cette heure verte qui devient un rituel social très important. Je dis social, mais en fait, on pourrait dire même individuel, les cafés dans les grands boulevards parisiens, les petites guinguettes dans les petits villages, tous ces endroits-là vont être investis de gens tout d'un coup qui arrivent pour leur verte et qui viennent consommer leur absinthe. Oui. Donc, ça se répand, on pourrait dire, à toutes les strates de la société. Et puis, on revient à ces artistes nombreux qui vont épouser l'absinthe. Ça fera partie de leur mode de vie, de leur mode de création. Et ça va donner, et ça, c'est un formidable, au fond, quand on y pense, c'est un formidable véhicule publicitaire avant l'heure, les Toulouse-Lautrec, tous ceux qui représenteront l'absinthe dans leurs œuvres, c'est formidable, ça, pour la mise c'est en marché d'un produit. Absolument formidable. Et on est à une époque aussi où la publicité comme média, comme nouvelle plateforme, on pourrait dire, de diffusion, apparaît également. Donc, l'absinthe va être une des premières boissons nettement célébrées là, sur les affichages publicitaires et tout. Quand on fait une petite recherche iconographique sur l'absinthe, ce qui nous frappe, c'est la beauté des affiches qui célèbrent ça. C'est très art déco, c'est magnifique, les volutes et tout ça. On peut même se demander si les artistes qui ont créé ces belles affiches n'étaient pas eux-mêmes sous les effets de la fée verte pour avoir toutes ces volutes, ces décors, ce design très, très particulier qui va colorer pratiquement toute la première moitié du 20e siècle là, au niveau esthétique. Donc ça, c'est très, très fort, c'est très particulier. Pour noyer mon chagrin, pour étouffer ma plainte, verser l'oubli divin, garçon, vite, une absinthe. Versez avec lenteur l'absinthe dans le verre, deux doigts, pas davantage. Ensuite, saisissez une carafe d'eau bien fraîche, puis versez tout doucement d'une main bien légère. Que petit à petit, votre main accélère la verte infusion, puis augmentez, pressez le volume d'eau, la main haute, et cessez quand vous aurez jugé la liqueur assez claire. Laissez-la reposer une minute encore, couvrez-la du regard comme un couvre un trésor, aspirez son parfum qui donne le bien-être. Enfin, pour couronner tant de soins inouïs, bien délicatement, prenez le verre et puis lancez sans hésiter le tout par la fenêtre. C'est formidable cet extrait. Très révélateur de ce virage qui va se produire. Cette absinthe qu'on aime et qu'on adore va devenir une espèce d'ennemi public. Puis ce qui est formidable de cet extrait, c'est qu'on se moque du rituel de l'absinthe. On a l'impression qu'on fait l'éloge de l'absinthe, qu'on nous invite à la toute fin de l'extrait. Poème anti-absinthe hein, qui a vraiment été écrit à l'époque, qu'on nous invite à la toute fin, donc à jeter par la fenêtre. Ne buvons pas de cette absinthe, messieurs, dames. Qu'est-ce qui fait, Catherine Ferland, qu'on va passer justement de cet amour de l'absinthe à une détestation, en tout cas à une entreprise pour en arriver à l'interdire. On se met à craindre l'absinthe. Mm-hmm. Pourquoi? En fait, il va survenir une série d'incidents, tant en Suisse qu'en France d'ailleurs, où l'absinthe va être impliquée, ou du moins on va prétendre qu'elle est impliquée. Ce qu'il faut retenir de ces cas-là, c'est surtout que on a souvent affaire à des gens qui sont des alcooliques notoires, et dans un cas particulier qui va être très, très médiatisé, il va y avoir un meurtre assez sordide, là, un homme, un ivrogne qui revient chez lui et qui veut se faire servir un autre verre, et il va finalement assassiner sa femme enceinte et ses deux filles, puis finalement se donner la mort quelques temps plus tard. L'affaire Lanfray, ça va vraiment Exactement. Être une affaire célèbre. Donc, cette affaire-là va servir de cheval de bataille pour un mouvement qui était déjà quand même enclenché. Au niveau de la santé publique, d'abord, certains médecins commençaient à dire, bon, écoutez, là, on a beaucoup de cas de gens qui sont fortement intoxiqués. On parle disons, d'épidémie de démence et on va alléguer que c'est l'absinthe est responsable des chutes de natalité, de toutes sortes de problèmes sociaux, des problèmes dans les couples, des problèmes dans les familles, dans les villages. Et ça va vraiment devenir une sorte de bouc émissaire pour un moment de l'histoire, particulièrement en France, qui est très particulier. C'est que on est dans un contexte où les vignes ont été attaquées durement par le phylloxéra. Et ça fait en sorte que la quantité de vin disponible est en chute libre. Ça devient difficile de boire du vin. Et l'absinthe est là, elle est présente, elle est disponible. Ouais. Alors, progressivement, elle va remplacer le vin dans plein de rituels sociaux. Ça va accentuer les problèmes. Puis avec ces histoires, le col en frais, mais qui se greffe, comme vous le disiez, un courant qui existait déjà. En fait, il y a une crainte réelle. On dit que l'absinthe rend fou, là. On a peur de l'absinthe, essentiellement de cette substance dont on parlait un peu plus tôt, la thuyone. La thuyone, exactement. Qui se retrouve dans l'absinthe. On la pointe comme étant responsable de ce qu'on va observer. On dit qu'il y a une hausse de la criminalité épouvantable à cause de l'absinthe, hein, qu'elle rend fou, qu'elle rend dément. Bon, je parlais tout à l'heure de la violence conjugale, mais l'aliénation, on dit, bon, les asiles sont pleins de buveurs d'absinthe à l'époque. Hein, là, on est dans les années 1870-1875. Il y a ce basculement, ce renversement de la façon dont on considère l'absinthe qui va s'opérer vraiment dans le dernier quart du 19e siècle. Et c'est très manifeste. Là, il y a une pétition à un moment donné qui va circuler. Écoutez, on dit « Partout où l'hydre verte paraissent le crime et la folie », ça va être signé par 400 000 personnes. Incroyable. Donc, on brandit ça comme étendard pour dire « Écoutez, il faut faire quelque chose. Ouais. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de guerre commerciale dans cette bataille contre l'absinthe? Vous parliez des difficultés qu'auront les viticulteurs, mais quand même, ils veulent vendre leur vin et l'absinthe devient l'alcool vers lequel on se tourne. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi dans l'équation? Ça joue également, ça, c'est certain. Il y a quelque chose de très, très politique. Évidemment, les députés des régions productrices vont dire « Mais non, écoutez, c'est tout simplement... Bon, vous parlez de tests faits sur des animaux et tout ça, que ça les rend malades. Écoutez, c'est parce que l'absinthe n'est pas fait pour les animaux, c'est fait pour être bu par des humains. » Et on va essayer de débattre comme ça, de démonter tous les arguments des ligues anti-alcooliques et anti-absinthe. Et du côté, justement, des régions plus vinicoles, là, c'est le contraire. Évidemment, les députés vont se lever haut et fort pour dire « Non, non, c'est un alcool... Même, on va user beaucoup de métaphores un peu diabolisantes autour de ça. Là, c'est le diable en personne qui revêt de vers à tour pour vous séduire, mais ça n'a pas de sens, puis il faut se battre contre ça. Donc, c'est très vitriolique là, comme débat. Ouais. Et puis, il y a ce contexte qu'on oublie peut-être, en tout cas, c'est l'hypothèse de la documentariste Margot Houmet qu'on écoute à l'instant, extrait de l'émission Indicatif présent en mai 2001. Contexte plus large, au fond. Bien sûr que l'alcoolisme atteint une proportion très, très inquiétante en France, dans cette France de la fin du 19e siècle, vous allez voir, elle dit, attention, il n'y a pas que l'absinthe, il y a quelque chose, par exemple, comme la révolution industrielle. Elle a une très, très mauvaise réputation. Elle a été bannie. Et finalement, je me suis rendu compte que, dans ma recherche, que c'est pas vraiment parce qu'elle était si nocive que ça, puis c'est pas vraiment parce qu'elle rendait les gens fous. La psychiatrie était dans son étape infantile. La psychiatrie était vraiment dans une étape primaire. Et on comprenait pas l'aliénation mentale, l'aliénation sociale qu'a amené la révolution industrielle. On comprenait pas vraiment ce que c'était que l'alcoolisme en général et les problèmes sociaux qu'il y avait en France à l'époque. Alors, l'absinthe est devenue la bouc émissaire. Ils ont tout blâmé les problèmes sociaux sur l'absinthe. Est-ce qu'on en a, effectivement, avec le recul, Catherine Ferland, est-ce qu'on en a mis trop sur les épaules de l'absinthe, quand on regarde ça maintenant? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur les épaules de la pauvre fée verte, parce que c'est vrai que c'est un moment où il y avait des épidémies d'alcoolisme, mais flagrant. Il faut dire aussi que dans le cas des buveurs d'absinthe, ce n'était pas que des buveurs d'absinthe, c'était souvent des buveurs tout court. Ouais. Et quand on regarde la teneur en alcool, qui était très élevée dans les alcools produits en industrie à l'époque, y a pas d'erreur. Là, on parle d'alcool qui vont titrer dans les 60-70%. C'est très violent. Et le lien avec la révolution industrielle, ben, deux choses, hein. Le fait de pouvoir les produire de façon industrielle, tous ces alcools, les rendre beaucoup plus disponibles à faible coût. Et aussi, au niveau personnel, il y a effectivement une sorte d'aliénation qui se produit, mais au sens, on pourrait dire, sociologique du terme. C'est-à-dire que l'ouvrier qui vient de passer 12 ou 14 heures dans une usine, quand il sort de là, mon Dieu, il y a ce besoin d'évasion auquel l'alcool va sembler apporter un certain réconfort, une certaine soupape à tout le moins. Et c'est dans ce contexte-là que vont se développer tous ces problèmes associés à l'alcoolisme. Il sera interdit. La bataille va être assez longue, mais après une dizaine d'années de bataille intensive, il sera interdit, l'absinthe sera interdite en 1910 en Suisse, 1915 en France. Est-ce que c'est pour autant la fin de l'absinthe? Qu'est-ce qui se passe au moment de l'interdiction? C'est toujours difficile d'interdire totalement un produit. Vous le savez, Jacques, quand on interdit d'une main, l'autre main peut réussir à ouvrir une petite porte. C'est un peu ce qui va se produire, que ça soit dans la Suisse du Jura, dans la France. Il y a quand même production d'absinthe pendant toutes ces années-là qui va se continuer pratiquement sans jamais cesser. Ouais. Donc, ça va se faire de façon clandestine, mais c'est la même chose avec la prohibition aux États-Unis, par exemple. Hein. De toute façon, on est exactement dans les mêmes périodes. Quand il y a interdiction de l'État, il y a toujours des gens pour continuer quand même le commerce. Ouais. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent à faire avec ça. Donc, l'absinthe ne cessera jamais complètement d'être produite, mais dans la mesure où ça va être de façon clandestine, il est évidemment impossible d'avoir des chiffres sur cette production-là. On ne sait pas avec certitude combien de litres, combien de fabriques d'absinthe illégales il peut se trouver dans telle ou telle région. C'est très difficile d'avoir une prise sur ça. Et puis, l'absinthe va faire on boucle un peu la boucle, mais son grand retour à la fin des années 90, au début des années 2000, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se réintéresse à l'absinthe? Pas la même, de fait. On peut tout de suite le préciser que l'absinthe de l'époque, beaucoup moins forte en tuyane. Mais qu'est-ce qui explique ce retour de l'absinthe? Ben, en fait, il y a toujours eu des gens pour essayer de faire d'autres alcools à partir de l'absinthe pendant ce temps-là. Et ce qu'on a fait, c'est tout simplement d'appeler ça autrement. Dans le procédé, on y allait un peu différemment, de façon à réduire la teneur en thuyone, réduire la teneur alcoolique également. Alors, ça a été long, effectivement, mais à la fin des années 90, l'absinthe est redevenue autorisée, d'abord en France en 99, puis en Suisse en 2005. Là, on est arrivé avec des produits qu'on avait mis au point, qu'on a présentés comme étant utilisables et commercialisables parce qu'on était capable de démontrer que c'était inoffensif, là, d'un point de vue de la santé publique. Et qui ressemble à d'autres alcools, Ricard, ce qui avait été un peu les alcools de substitution de l'absinthe, Pernod, mais avec ce petit plus, on revient au fond aux belles années de l'absinthe, ce rituel, toute cette iconographie, ce mythe autour de l'absinthe. Ça, c'est particulier et c'est fascinant de voir à quel point on recourt justement à toute cette esthétique développée au 19e siècle. On est 125, 140 ans plus tard, mais il y a ce recours à justement le rituel, la petite cuillère et tout ça. Et ça fait partie, je pense, du plaisir et du mythe qu'on continue d'entretenir autour de l'absinthe. Catherine Ferland, historienne, auteure du livre « Bacchus en Canada, boisson, buveur et ivresse en Nouvelle-France ». Merci beaucoup de votre participation à l'émission. C'est un plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.